Chapitre 23e. Félix était un de ces enfants pour lesquels le faire voir est beaucoup plus que l'avoir. Ce qui l'enchantait dans le cadeau de Madame Erol, c'était bien plus le plaisir de faire voir ses panneaux à sa grand-mère que de les avoir. Aussi hâta-t-il leur tour comme il avait hâté l'aller, mais pour une raison différente. En descendant de voiture, il demanda si sa grand-mère était revenue de Paris. On lui répondit qu'elle était arrivée depuis quelques instants, mais qu'elle était en ce moment avec Madame de Labranche. « Attends que Madame de Labranche soit partie, » dit Juliette. Mais l'enfant ne voulut rien écouter. Il tenait la cage dans ses bras. Il voulait la porter à sa grand-mère. L'empêcher d'entrer dans le salon, c'eût été provoquer une révolte. « Conduisez Félix au salon, » dit-elle à la femme de chambre. Et elle descendit dans le jardin pour attendre son fils devant la porte de la basse-cour. Il existait en effet entre elle et Madame de Labranche une profonde antipathie, et toutes les fois qu'elle pouvait éviter sa présence, elle se hâtait d'en saisir l'occasion. Petite, maigre et noire, le teint bisse, la peau grenue, les cheveux rares, les dents jaunes, Madame de Labranche haïssait d'instinct les femmes qui avaient de la taille, de l'éclat dans la carnation, des cheveux et des dents. Il fallait être laide à faire peur pour trouver grâce devant ses yeux. Alors, tout en reconnaissant largement vos défauts physiques, elle exaltait vos qualités morales. Juliette était assez belle pour avoir mérité cette haine instinctive, mais la beauté n'était pas le seul grief que Madame de Labranche eut contre elle. Juliette avait un garçon, et elle venait d'avoir 4 filles en 4 ans. Elle était dévote, et Juliette ne l'était pas. Elle élevait ses enfants sévèrement, durement, et Juliette laissait toute liberté à son fils. Il y avait de quoi exaspérer un caractère comme le sien, et cette exaspération déjà vive s'était encore aggravée par l'alliance qu'elle avait faite avec le vieux Descloiseaux. Dans ces conditions, les relations entre deux femmes si différentes de nature, de caractère et d'humeur devaient être difficiles. Et pour se maintenir dans les limites des convenances, il avait fallu d'une part l'indifférence dédaigneuse de Juliette et d'autre part la souplesse d'intelligence, la finesse d'esprit de Madame de Labranche. Juliette s'était éloignée de quelques pas à peine dans la direction de la basse-cour lorsqu'elle entendit derrière elle les pleurs et les cris de son fils. Elle revint vivement. L'enfant, tenant toujours la cage dans ses bras, pleurait et trépignait des pieds. Il fallut longtemps à Juliette, et elle dut employer toute sa tendresse et toutes ses gâteries pour obtenir l'explication de ce désespoir. « Grand-mère n'a pas voulu venir avec moi. Elle n'a pas voulu regarder mes pans. Elle m'a renvoyé. Et comme je ne voulais pas m'en aller, elle m'a pris par le bras et m'a mis à la porte. » Puis ses pleurs reprirent. « Elle m'a fermé la porte sur le dos. C'est la faute de Madame de Labranche, qui a voulu rester seule avec elle. » « Madame de Labranche n'est pour rien là-dedans. » dit Juliette, qui ne voulait pas que son fils partageât ses sentiments d'hostilité. « Si, maman, si, elle a dit, laisse-nous. Et c'est elle qui a obligé grand-mère à me mettre à la porte sur le dos. Elle a dit, nous avons besoin de parler. Tu vois bien que c'est elle. » Juliette était dans une disposition où l'esprit surexcité va rapidement et sûrement au fond des choses. Madame de Labranche était là pour mettre à exécution les menaces de Monsieur Descloiseaux. Comment Madame de Labranche se faisait-elle la complice de cette vengeance? Juliette ne pouvait pas le deviner. Mais s'il lui était impossible de voir comment cette alliance était conclue, elle était certaine du but que les deux associés poursuivaient. 1000 choses qui ne l'avaient pas frappée alors qu'elle s'était produite lui revenaient maintenant. Et s'éclairant les unes par les autres, se confirmant surtout par ce concours précipité de faits, la tentative de M. Descloiseaux auprès d'elle, son entrée chez Madame de Labranche, la visite de celle-ci à Madame d'Alifard, ne lui laissaient aucun doute. On voulait la perdre, et en ce moment même on travaillait à cette perte. En conjecturant que Madame de Labranche n'était qu'un instrument aux mains de M. Descloiseaux, Juliette ne se trompait pas. Mais la mission était si délicate que la femme du notaire, malgré toutes les ressources de son esprit, s'était trouvée embarrassée pour entamer ses confidences Et jusqu'au moment où Félix était entré dans le salon, elle était restée enfermée dans des banalités qui n'avaient pas même permis à Madame d'Alifard de soupçonner le but de cette étrange visite. Pour Madame d'Alifard, les gens qui lui demandaient une entrevue particulière et qui tournaient autour des phrases sans s'expliquer franchement étaient des emprunteurs qui venaient réclamer d'elle un service d'argent. Est-ce que de la branche est mal dans ses affaires ? Se dit-elle, ou bien cette petite femme a-t-elle une note chez sa couturière ? Et comme elle n'avait pas pour habitude d'aller au-devant des gens, elle avait pris un secret plaisir à laisser Madame de la Branche s'entortiller dans ses discours. Mais enfin, la sortie de Félix et ses pleurs avaient fourni à Madame de la Branche l'occasion qu'elle cherchait inutilement depuis 10 minutes. « Ce pauvre enfant, » dit-elle, lorsque la porte fut fermée, « combien je suis fâchée du chagrin que je lui cause. Et cela me désole d'autant plus que jusqu'à un certain point, c'est pour lui que je suis venue vous faire cette visite qui peut-être vous surprend. Pour Félix. Pour lui, pour vous, pour Monsieur Adolphe, pour cette chère Juliette. Vous savez, n'est-ce pas, sans qu'il soit besoin que je vous le dise, tout l'intérêt que vous et votre famille vous nous inspirez. » Madame d'Alifard eut une légère contraction dans la bouche. Inspirer le respect la flattait, l'admiration, l'envie même lui était agréable. Mais inspirer l'intérêt produisait en elle un tout autre sentiment. Elle n'avait besoin de personne. Sur ce point, son amour-propre était féroce. « Nous vous sommes bien reconnaissants, » dit-elle en pinçant les lèvres. « C'est à mériter cette reconnaissance, » poursuivit Madame de la Branche, qui s'était servie de son mot avec intention et qui jouissait de l'effet qu'il avait produit. « C'est à mériter cette reconnaissance que je veux m'attacher par ma franchise. Seulement, ce que j'ai à vous dire est si délicat, si difficile, que je ne pourrai parler que si vous me promettez votre indulgence. » Madame d'Alifard n'était pas patiente et ses circonlocutions avaient eu pour effet de l'exaspérer. « En un mot, dit Madame de la Branche en baissant la voix, « c'est de Juliette que je veux vous parler. Et pourquoi alors vous adressez-vous à moi et non à elle ? Dans une affaire délicate et qui la touche personnellement, ma belle-fille a assez de raisons pour prendre elle-même le parti qu'elle juge bon. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de ses affaires ni de l'influencer en rien. Ce n'est pas de sa raison que je me défie. Mais Juliette, qui est avec vous, chère madame, d'une patience et d'une douceur que tout le monde remarque, serait sans doute moins facile avec moi. Elle n'aurait pas pour m'écouter cette bienveillance que je rencontre en vous, et il me serait impossible de m'expliquer ailleurs. Enfin, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, si cela est possible, expliquez-vous franchement. Je sais ce que parler veut dire, et avec moi toutes ces précautions sont inutiles. » Il s'agissait d'une chose affreuse, épouvantable, qui avait été cruelle à entendre et qui était terrible à répéter. Il s'agissait des propos du monde, de ses accusations, de ses calomnies. Assurément, elle ne croyait pas à elle, Madame de la Branche, un seul mot de ses accusations. Mais enfin, par intérêt pour la famille d'Alifard, elle se croyait obligée à répéter au chef de cette famille ses calomnies. Pour tout dire sans phrase et sans détour, on s'occupait beaucoup de l'amitié intime qui s'était établie entre Madame Adolphe d'Alifard et Monsieur Ayrol. Sans doute, si ces calomnies ne s'appuyaient sur rien de positif, il faudrait les mépriser. Mais précisément, elles paraissaient avoir une base qui permettait d'établir les insinuations les plus pernicieuses. Ainsi, on s'étonnait que presque tous les jours, Madame Adolphe et le peintre se rencontrassent sur les bords de la Marne, où ils se promenaient longuement, comme des gens qui parlent d'autre chose que de la pluie ou du beau temps. On avait aussi rencontré Monsieur Ayrol la nuit, devant le mur du jardin. Enfin, dans la maison même, on avait fait des remarques significatives. Quelles étaient ces remarques ? C'était ce que Madame de la Branche ignorait, car pour elle, elle n'avait jamais rien vu que de parfaitement innocent. Mais enfin, d'autres personnes en savaient plus long qu'elle là-dessus. Il fallut que Madame d'Alifard lui fît presque violence pour la décider à nommer ces personnes. Et ce fut après une longue défense qu'elle se décida à parler de M. Descloiseau, qui, plus d'une fois, s'était étonné de cette intimité entre une femme jeune et belle comme Juliette et un homme dangereux comme le peintre. En quoi M. Hérol était-il dangereux, c'était ce que Mme de Labranche ne voyait pas. Mais tel était le sentiment de M. Descloiseau, et elle croyait qu'on devait avoir égard à cette opinion qui s'appuyait sur une grande expérience du monde et de la vie. Là-dessus, elle s'est élevée, et après 1000 protestations d'amitié, de dévouement, de discrétion, elle avait laissé Mme d'Alifard véritablement intriguée.